tu m'avais prévenu, je crois que je serais pas tombé dans le panneau. Quand dans tes yeux j'ai lu, c'était écrit, cherche amour mais pas trop. Et puis comme d'habitude, j'ai joué les patrons. Bah regarde où ça mène aujourd'hui, je t'avoue que c'est pas triste. À force de faire l'over, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Maintenant je suis dingue de toi, à tel point que ça étonne pas mal de gens. Putain l'amour c'est fou, ça arrive sans prévenir. Au début on dit non, mais petit à petit on se laisse séduire. Puis quand on kiffe vraiment, il paraît qu'on se laisse aller. Ça, c'est ce que t'as dit après ton baiser volé. Un dérapage, un geste incontrôlé. Moi j'appelle ça hasard, toi t'appelles ça la destinée. Maintenant je suis comme un fou et par mes potes je me fais charrier. À chaque fois que je parle de toi, j'ai le cœur qui est prêt à s'emballer. Car je t'aime bébé, tu sais. Moi c'est toi et toi c'est moi, tu sais. Et par notre amour restera lié. Et quand t'auras poste avec moi, tu sais, je serai ta lumière même dans l'obscurité. Ouais. Mais moi c'est toi et toi c'est moi, tu sais. Et tant que notre amour continue de briller, je serai toujours là près de toi, tu sais. Je resterai ta lumière quand il faut te guider. Et plus les semaines passent, plus les sentiments s'installent. On veut se voir tous les jours et quand l'autre n'est pas là, on râle. On est accro de son parfum, son odeur nous hante. Sa peau, ses formes, ses cheveux et ses yeux couleur menthe. On est comme des gamins, on se regarde pendant des heures. Des fois sans se dire un mot, pendant des nuits, juste on s'effleure. C'est vrai que parfois on se coupe du monde et de nos potes. Faut pas nous en vouloir, on hiberne en quelque sorte. Tu me dis que nos différences font de notre couple un couple à part. Moi je dis que la déchirure sera plus dure, mais quelque part. Je vis l'instant présent, avec toi c'est tellement fort. On fait l'amour pendant des heures, mais on en veut encore. Y'a pas de routine que du bonheur, même si on abuse un peu des je t'aime. Et pas de signe avant-coureur qui laisserait présager des problèmes. Car toi et moi c'est pour toujours bébé, c'est pour toujours bébé. Et moi c'est toi et toi c'est moi, tu sais. Et par notre amour restera lié. Et quand t'auras poste avec moi, tu sais, je serai ta lumière même dans l'obscurité. Ouais. Mais moi c'est toi et toi c'est moi, tu sais. Et tant que notre amour continue de briller, je serai toujours là près de toi, tu sais. Je resterai ta lumière quand il faut te guider. Et puis comme à chaque fois, l'ex fait son apparition. Alors réflexe de gars, on accuse l'autre de trahison. On est blessé dans son estime, on a peur de perdre l'autre. Et rabaissé en prime, car pour nous c'est commettre une faute. Bébé, t'as beau me dire tu m'aimes, qu'il y a que moi. Ce message m'a fait douter, alors maintenant s'il te plaît tais-toi. Et puis l'orage s'estompe, le ciel bleu réapparaît. C'est juste que peu à peu on devient jaloux à ce qui paraît. Notre histoire continue, on jure de pas se faire souffrir. De se respecter dans la douleur, de plus parler au pire. On oublie que l'être humain est lâche dans l'adversité. Et que souvent c'est la rage qui parle quand l'heure des comptes aura sonné. Mais nous on s'aime, dis-le que nous c'est pas pareil. Que chaque jour qui passera tu seras là à mon réveil. Dis-le bébé, dis-le moi que tu m'aimes. Car moi je t'aime tu sais. Et moi c'est toi et toi c'est moi tu sais. Et par notre amour restera lié. Et quand t'auras peur reste avec moi tu sais. Je serai ta lumière même dans l'obscurité. Ouais. Mais moi c'est toi et toi c'est moi tu sais. Et tant que notre amour continue de briller, je serai toujours là près de toi.